les médias enfoncent le clopin des rumeurs. Mais là sont des clopins cercueillis par un coup de marteau. Pour un père Chupaco, président Bouchard, toujours qu'une identité sur leurs assassins. Enquête morte, corruption, classement de ton CX. Et des flics qui n'ont plus rien de sain. Crash d'avion, bateau introuvable, des recherches qui s'avèrent. Mort à nos troupes dans le triangle des Bermudes. On roule à des virées toutes les années. Des personnes retrouvées à leur domicile, brûlées à vivre par combustion spontanée. Sans parler de ces corps carbonisés qui sommeillent dans une forêt hardcore victime du tambour du soleil. Des journalistes et des mafus liquidés, brûlés entièrement. Et des proches qui n'auront même pas le droit à leur enterrement. Mort à nos troupes, ces victimes qui tous les jours tombent. Mort à nos troupes, des meurtriers au tribunal muets comme des tombes. Mort à nos troupes, des témoins qui emportent leurs secrets dans leur tombe. Mort à nos troupes, des soldats inconnus à qui on attribue des tombes. Mort à nos troupes, des familles qui subissent les catons. Mort à nos troupes, aucune justice même quand le verdict tombe. Mort à nos troupes, des dossiers classiques sous les catacombes. Mort à nos troupes, des disparus dans le voyage de nos boutons. Sais-tu combien de gens disparus, trop de dossiers classés, combien de familles déçues restent classées, de pas savoir, se battent avec l'espoir, de jour on voit leur fille qui n'est pas rentrée un soir. Divers, pour les infos et faits divers, pour les flics c'est une fuite, pour la mère elle digère, pas l'idée qu'elle soit l'otage d'un pervers dans une cave qu'elle en bave. Sa fille, traitée comme une esclave, loin de là, l'idée qu'elle soit morte, tant que le corps n'a pas frappé à sa porte. Le père désespère mais n'arrête pas les recherches, pas témoin, pas de suspect, dans un piège, ça patine. Sur la neige, les flics abrègent, l'enquête s'allège. Dans l'oubli, elle immerge. Nombreux sont les personnes qui ont subi ce sort. Nombreux sont les tarés qui s'unissent dehors, comme l'OTS. Travail mental, suicide collectif anormal, classé dans les annales. Malgré les infos fournies, c'est jamais clair. On se nourrit, marche en colonne comme des fourmis pendant que la terre pourrit. Des gens disparaissent, que des sadiques caressent leurs victimes, qui par la peur se rabaissent. Condamnés comme les enfants, violés par des curés à la messe. Comme les filles volées qui pour oublier. Des victimes qui tous les jours tombent. Mort à nos troupes, des meurtriers au tribunal muets comme des tombes. Mort à nos troupes, des témoins qui emportent leurs secrets dans leur tombe. Mort à nos troupes, des soldats inconnus à qui on attribue des tombes. Mort à nos troupes, des familles qui subissent les catons. Mort à nos troupes, aucune justice même quand le verdict tombe. Mort à nos troupes, des dossiers classiques sous les catacombes. Mort à nos troupes, des disparus dans le voyage de notre tombe.